Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « J'ai vu le loup, le renard, le lion », un spectacle mythique. C'était le premier show commun au Québec. Tu sais, après ça, il y en a eu beaucoup, une fois cinq, puis tout ça, c'est devenu une mode, là, tout le monde en faisait. Mais c'était la première. C'était la Franco-Fête, ça? Oui, oui, oui. Et il travaillait avec Félix Leclerc. Puis Félix, on allait le voir chez lui, mais j'allais avec Gilles Vigneault, c'est drôle. Il avait un petit peu peur de Robert. Il disait, il va pas nous faire ses farces plates. Là, puis je disais, ben non, il est plus comme ça, là, l'Olympia, c'est parce qu'ils l'ont provoqué. T'sais, mais il avait un peu peur. Il l'aimait, puis il était ouvert, mais il se méfiait quand même un peu. Mais tu sais, Félix, tu dis pas... tu vas rentrer par là, puis tu vas faire ça. Tu dis, s'il vous plaît, si vous voulez bien, entrer par cours et puis faire vos chansons, celles que vous voulez. On s'en allait là comme trois bons travailleurs qui vont faire leur métier. Et il faisait beau, tous, ça donna très bien pour nous. 5 heures, ça arrive, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Là. Et puis l'hélicoptère de la police qui dit qu'ils sont rendus à 100 000, vous devriez commencer, 125 000, 9 heures, on a commencé. Ça, c'était vraiment un grand moment, un moment inoubliable. C'est le spectacle « J'ai vu le loup, le renard, le lion » dont parlaient Mouffe et Félix Leclerc à l'instant, qui ouvre la Super Francofête de 1974, qui rassemble à Québec les délégations d'une vingtaine de pays de la francophonie. Ce spectacle réunit Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Félix Leclerc sur une même scène. C'est un spectacle qui va profondément marquer l'histoire de la chanson au Québec, en même temps qu'il va contribuer au climat d'effervescence politique de l'époque. L'animatrice à Ici Musique, Monique Giraud, a accepté de participer à notre série d'émissions où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, qui les passionnent. Monique Giraud, bonjour. Bonjour, Serge-Jacques. Quelle importance ça a eu, Monique, ce spectacle-là, « J'ai vu le loup, le renard, le lion » dans l'histoire de notre chanson? Mouffe l'a évoqué en disant, en effet, qu'à la suite de ce spectacle-là, ce qu'elle appelle une mode, hein, c'est-à-dire la naissance, l'effervescence autour des spectacles et des réunions, des collectifs, qui maintenant, qui jusqu'à il y a peu... Oui, jusqu'à la COVID. Oui, jusqu'à la COVID, faisait partie de notre culture, littéralement. Hein. On pense à nos fêtes nationales, à Québec ou à Montréal, enfin, ces grands rassemblements culturels. Oui. Où, évidemment, les francopholies, les festivals et tout ça. Mais à l'époque, ça n'existait littéralement pas. Alors, chacun faisait son spectacle. On ne réunissait jamais autant de gens dans un même espace autour d'un événement culturel. Donc, ça a été le premier spectacle collectif en extérieur, la première réunion, grande réunion de centaines de milliers de gens venus à assister, ce qui va devenir, en effet, un grand, grand moment de l'histoire de notre chanson, oui. Non seulement au Québec, mais aussi en France. Il y avait, avec la Super Francofête, une ouverture sur le monde, tu l'as évoqué, 20-25 pays, des milliers de gens qui débarquent, on veut leur offrir ce qu'on a de mieux. Ça a été le cas. Ouais. Si bien que Léo Ferré, qui est devenu après un ami de Charlebois, a exprimé sa jalousie en disant que jamais en France on aurait pu faire un tel événement simplement parce que chacun des artistes aurait voulu être la vedette, seule et unique vedette d'un événement, alors que là, tous les trois étaient sur le même pied d'égalité. Donc, spectacle marquant parce que c'est un événement, ça marque l'histoire de la chanson, puis ben, on y reviendra, mais puis il y a tout ce contexte aussi de bouillonnement politique qui fait partie. Le spectacle s'inscrit là-dedans. Dans quel contexte, si on parle d'organisation justement du spectacle, dans quel contexte il est organisé, ce spectacle-là? Oui. Guy Latraverse, à qui on doit le Stitch Show, réunit 3 générations de chanteurs. Ils ont 30 ans, 45 ans et 60 ans. Charlebois, Vigneault et Félix. 15 ans d'écart entre ces 3 géants qui chacun a son public. Et ça, c'est son concept, le génie de la traverse, on le voit là. Une idée brillante. Mais oui. Ouais. Ben oui, une idée qui aurait pu comme ça rester sur un coin de table. Ouais. Mais parce qu'il avait le courage et l'audace de réaliser, d'oser, on lui a demandé de faire un grand spectacle d'ouverture pour cette fête qui est aussi la première grande réunion de famille de la francophonie. Il faut savoir ça. Ouais. Et ça vient de partout, ça vient de tous les pays, ça vient de tous les continents. On veut, je le disais, offrir ce qu'on a de meilleur. Ouais. Offrons ce qu'on a de meilleur. Ouais. Charlebois, Vigneault, Félix. Félix, qui, il faut le dire, Jacques ne chantait déjà plus beaucoup. Hein. Voilà. Il s'était retiré dans son île. Puis vous faites bien de parler de Félix, ouais. Du fait qu'il ne chante plus, qu'il se soit retiré, parce que l'idée est brillante, mais le gros... c'est pas gagné d'avance. Et le gros défi, il porte un nom, Félix Leclerc. Nous partirons. partirons seuls. Nous partirons seuls loin. C'est Guy qui est venu me voir et il dit, qu'est-ce que tu penserais de ça? Ah, ben, je dis, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça rejoint trois âges de la chanson québécoise. Et puis, trois qui ont de quoi dire, qui ont envie de le dire bien fort. Puis, si Robert est d'accord, moi, je suis d'accord. Après ça, il faut convaincre Félix. Mais il dit, c'est toi qui vas convaincre Félix, Gilles. Et je suis allé voir Félix. Peu avant, Charlebois avait tiré sa batterie, soi-disant, dans la salle à l'Olympia. Et puis, Félix avait entendu parler de ça. Mais il dit, le jeune, qu'est-ce qu'il va faire, là? Je dis, le jeune, il te respecte autant que moi, sinon plus. Et puis, il a énormément de talent, puis ça va sonner que le diable. Tu vas voir qu'il va se passer quelque chose, là. T'es sûr que ça peut se faire, que ça a du bon sens? Ah, je dis, moi, je suis sûr. Il y a quelque chose à dire au monde à cette occasion-là. En tout cas, au moins au monde de toute la francophonie. Pendant que nos parents dorment, nous prendrons le chemin. Félix a peur de moi. Il dit à Gilles, mais toi, tu le connais, le jeune, mais le jeune qui a pitché ses batteries à l'Olympia, puis tout ça, puis il paraît qu'il fume du tabac d'orchestre et tout, puis ça, il faisait très, très peur. Alors, Félix m'invite chez lui, puis avant que je descende de l'auto, il me dit, gardons ta voiture dans l'autre sens, ça va aller mieux pour t'en aller, tu sais. Fait que là, je me sentais tout de suite bienvenu. On commence à jaser, il me dit des choses formidables, il me dit, tu sais, en France, les producteurs, là, ils vont te têter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus dans le... Et puis sauve-toi, ou fais comme le chevreuil, sauve-toi au fond de la forêt, tu sais, il parlait toujours par image, écoute pas ces gens-là. Et puis il me disait, tu sais, le piano, c'est ton bureau, mais la guitare, c'est la liberté. Puis l'hiver, approche-toi donc des livres, mon beau Robert, tu sais. En tout cas, on commence à ouvrir le gin and tonic, etc. À la fin, il me garde à souper, tout ça, on dit qu'est-ce qu'on va faire ensemble, bon... Et puis, est arrivé le jour du show, et là, on s'est dit, mais hey, t'as coup, il vient 5 000, 10 000 personnes, 20 000. Et là, on était dans notre loge avec Félix, qui était nerveux, là, il tapait encore dans des coups de pied dans la roulotte. Et tout à coup, on voit arriver, mais pas 20, ni 30, ni 40, mais 100 000, 150 000, 200 000 personnes. Et là, Félix dit, moi, dans ce temps-là, je retiens mes larmes, puis je me mets à siffler pour ne pas pleurer. Ça, j'oublierai jamais cette phrase-là. Nous sortirons pieds nus en silence. Nous sortirons par l'horizon. La chanson Complot d'enfants que Félix et Charlebois donc chantent le soir du 13 août 1974, puis vous entendiez également dans cet extrait Robert Charlebois et Gilles Vigneault dans le documentaire de Francis Legault, Charlebois par-delà Lindbergh, réalisé en 2015. Ce qu'on vient d'entendre, Monique Giroux, ça nous donne déjà une bonne idée de ce qui s'est passé, de la magie, de ce qui s'est passé ce soir-là sur scène. Oui, absolument. Ça me touche beaucoup d'entendre ce récit encore une fois, parce que c'est toujours dit dans des mots différents, mais imaginez que sans cet événement, Félix n'aurait jamais vu une telle foule devant lui. Et même 5 ou 6 000 personnes, je ne sais pas si ça lui est arrivé. Vigneault, après, Charlebois, évidemment, sur les plaines à d'autres occasions, ont pu revivre ces événements-là. Ou aux Francopholies, ou autrement. Mais Félix, il faut savoir, en effet, qu'il ne chantait plus beaucoup. Donc, qu'il ait pu vivre ça grâce à cet événement, ça a dû être absolument émouvant. Charlebois m'avait dit que c'est comme si on assistait à un accouchement, oui. En fait. On regardait tout ça, on chantait, mais c'était plus fort que nous. Ça dépassait de loin la chanson. Il se passait quelque chose. Le rassemblement n'était pas que autour de la musique et de la chanson. Et ils chantaient chacun un peu les chansons des autres. Oui. On l'entend dans Complot d'enfants, Charlebois qui essaie de faire l'harmonie. On sent la fragilité. J'ai vu des images d'un titre qu'on entendra plus tard, Quand les hommes vivront d'amour, des images un peu floues. Mmh. Bon. Parce que ça n'a pas été tourné pour la télé. Et on sent leur insécurité. Ils doivent chanter les chansons des autres. Il y a des duos, des trios. Il y a une fragilité, là, forcément. Il y a un sans-filet qui est une fébrilité qui fait que tout le monde vit ce moment pour la première fois. Ouais. En ce qui concerne Félix, ça n'avait jamais eu lieu avant. D'ailleurs, ça n'aura jamais eu lieu après. Et cette communion, parce que le concept, il est génial, on l'a dit, ces trois géants qui appartiennent à trois générations différentes, qui chacun a son public, en même temps, c'est le même grand public. Mais j'imagine que les trois le vivent, ça, cette espèce de, ciment, le temps d'un soir sur scène. C'est très, très fort, cette image-là, des trois générations réunies. Hein? Ouais. Vigneault a dit, d'ailleurs, parce que, bon, le loup, le renard, le lion, bien sûr, 15 ans d'écart entre chacun, et il avait fait une allusion de solaire, on va dire. Il avait dit la lampe à l'huile, l'ampoule électrique et le néon. Hein? Bon. Donc, c'est vrai qu'il y avait là, imagine, pour Charlebois, dont le premier album a une dizaine d'années seulement, il revient de Californie. Félix! Mmh. Félix Leclerc, quoi. Il va chanter avec lui, même s'il joue le bum, comme ça, il le dit. Hein? Vigneault, il dit, il te respecte plus que moi, si c'est possible. Ouais. Donc, ce tutoiement, et puis Vigneault, Félix, qui en effet donne des conseils à Robert, cette fameuse phrase « Stationne-toi le nez pour repartir », je l'ai entendu une multitude de fois, il disait toujours ça à tout le monde, bien qu'il était, semble-t-il, très accueillant aussi, le Félix. Donc, c'était pour tous les trois, sans doute, extrêmement important que de se retrouver. Et l'image. Cet amour de la chanson et du pays, parce que ça faisait partie, évidemment, de l'équation. Pays, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a cette chanson que vous évoquiez, la finale, la grande finale de ce spectacle-là, qui est inoubliable, où les trois chantent. Je pense que c'est la seule fois dans le spectacle, les trois chantent ensemble ce monument de la chanson québécoise. Ouais. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Cette interprétation-là de la chanson de Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront d'amour », c'est vraiment, Monique Giroux, le point d'orgue de ce spectacle du 13 août 1974. Et ça nous permet, parce que c'est un spectacle mythique, mais c'est devenu un disque, et un disque aussi qui a eu un impact considérable. Ça nous permet, cette chanson, de parler du disque. Absolument, oui. Et le disque nous permet d'en parler encore aujourd'hui, de ce spectacle. Ouais. Parce que, comme ça n'a pas été ni enregistré simplement pour les garder en archive, les images, et encore moins pour les présenter à la télé, qu'est-ce qui resterait si il n'y avait pas eu cet album. J'ai entendu, ce serait à vérifier, que le spectacle s'appelait simplement Le loup, le renard, le lion et qu'à la publication de l'album, on aurait ajouté J'ai vu. Bon, ouais. Enfin, c'est un détail, mais il n'empêche qu'on le voit en effet, ce spectacle, en écoutant cet album qui est devenu un album mythique et qui est le témoin d'un grand moment auquel ont assisté, Robert le disait, 100 000, 120 000, 150 000, 200, j'ai entendu 300 000 même. Alors bon, beaucoup de monde. On ne les a pas comptés un par un, mais quoi qu'il en soit, c'était beaucoup, beaucoup de monde et ça avait beaucoup impressionné Félix, en effet. Mais cet album, non seulement il était très connu ici, mais très populaire en France aussi. Et ce qui a valu à tort à ce pauvre Félix d'être l'auteur-compositeur de « Quand les hommes vivront d'amour », parce que les Français ont déduit que comme en plus c'est lui qui démarre hein, la chanson, c'était lui qui était à l'origine de cette chanson. Parce que Félix est très connu d'une certaine génération, les plus ouais. anciens, les grands-parents. Robert commençait à être connu, en effet, avec son histoire d'Olympia et puis bon, tout ça, d'un public plus jeune. Il faisait rocker la langue française, ce qui n'existait pas beaucoup, à part par Dick Rivers ou Eddie Mitchell ou Johnny qui se prenaient pour des Américains. Mm-hmm. Là, il y avait quelque chose autour de Robert. Et puis, entre les deux, Vigneault, qui était infiniment respecté par une certaine intelligentsia aussi. Donc, l'album a fait son chemin en France. Ils n'en ont pas vendu des millions d'exemplaires, il ne faut pas croire. Mais c'est un album qui a fait sa marque en France. Ici, bien entendu, il fait partie des albums qu'on conserve précieusement quand on a eu la chance de l'avoir, parce qu'en effet, c'était un grand, grand moment. Mais avec, encore une fois, cette pirouette, ce pied de nez fantastique que vous évoquiez, c'est par ce disque-là que les Français découvrent Quand les hommes vivront d'amour, l'attribue à tort à Félix Leclerc, alors que cette chanson-là de Raymond Lévesque, Aidé Constantine Lachambre dans les années 50. Elle a été écrite en 1956, inspirée à Raymond Lévesque par la guerre d'Algérie. Elle a été enregistrée par Aidé Constantine, tout comme Les Trottoirs d'ailleurs, qui a fait un 45 tours de deux chansons de Raymond Lévesque. Donc cette chanson a été connue en France avant d'être connue ici par Aidé Constantine. Et bon, après, ils l'ont attribuée à Félix. Ouais. On termine cette émission en parlant, on l'a un petit peu évoqué, mais de la dimension politique de ce spectacle-là. Il s'inscrit dans un contexte bien particulier, ce spectacle. Là. On écoute à ce sujet le producteur Guy Latraverse à l'émission Bonsoir l'ambiance, animée par Robert Gagnon à l'époque en 1994, puis Gilles Vigneault dans le documentaire de Francis Legault, Charlebois par-delà Lindbergh. Mais d'abord, quelques notes de Félix le soir du 13 août 1974. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temps plus affinants où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. Ce soir-là, on vivait une soirée un peu politique aussi parce qu'on avait M. Trudeau dans la salle, on avait M. Bourassa dans la salle. Oui. Les deux en même temps. Et ils sont venus dans les loges après. Et ça a été assez épique aussi avec notre Robert National qui a toujours le don de sortir une phrase, de provoquer des choses. C'est époustouflant de voir tant de gens qui hurlaient avec les drapeaux du Québec. Oublions pas qu'on est avant les élections de 76, donc la culture et le pouvoir politique québécois à cette époque-là. Ah, c'était magique, magique. Oui. Et c'est les premières fois qu'on avait vu ici. Et ça n'a pas été enregistré pour la télé. Non. Je me suis battu comme un fou pour réussir à convaincre Radio-Canada. On n'a jamais réussi à convaincre personne d'enregistrer ce show-là à l'époque. Aucune chaîne de télévision n'a voulu l'enregistrer. Ils ne le trouvaient pas important? L'événement... Il faut croire. C'est l'événement que c'est devenu. C'est après que ça l'est devenu. C'est avant, pour eux, c'est trois chansonniers, Vigneault en plus, Leclerc. Charlebois, c'était pas... Ouais. Finalement, pour eux autres, ça ne représentait rien à l'époque. Ouais. Ils ont dit non. C'est un des moments les plus politiques de l'histoire du spectacle au Québec. Du spectacle. Il n'y a pas eu plus politique que ça. Parce qu'on est en train de dire à la francophonie, on existe, et en plus, on veut faire un pays avec ça. C'est un moment éminemment politique, éminemment précieux, et on peut dire que pas longtemps après, le Parti québécois est au pouvoir. Je trouve pas ça insignifiant, moi. Il me reste un pays à prédire. Il me reste un pays à semer. Vaste et beau comme la mer, avant d'être découvert, puis ne tient pas plus de place qu'un brin d'herbe sous l'hiver. Voilà mon jeu et ma chasse. Il me reste... À quel impact a eu ce spectacle, Monique Giroux, J'ai vu le loup, le renard, le lion, sur le plan politique? Je vais me répéter, mais je trouve ça très, très, très émouvant d'entendre tout ça. De réentendre Vigneault le dire, de l'entendre chanter « Il me reste un pays ». On peut imaginer, il y a 3000 invités d'outre-mer provenant précisément de 25 pays, qui sont rassemblés à Québec, cette ville d'une splendeur remarquable, pour 11 jours. On a quelque chose à leur dire. on doit être accueillant, hospitalier. On doit avoir le cœur et les bras et l'esprit grand ouvert, ce que nous avons visiblement. Cette super francophète est née d'une proposition commune du Québec et du Canada à l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Robert Bourassa, on le sait, est à la tête d'un gouvernement fédéraliste, mais néanmoins, il souhaite et se bat avec Ottawa pour que le Québec soit considéré comme un gouvernement participant. Ouais. Et non pas comme une province d'un gouvernement participant. Bon. Donc déjà, on sent quelque chose là dans les coulisses. Le contexte politique est particulier. En effet, août 1974, 3 ans et demi après la crise d'octobre, 2 ans avant la première élection du Parti québécois. Et le Québec vient tout juste de décréter le français langue officielle. Alors, imaginez un peu. Ce sont des événements fondateurs. Et sur une scène, il y a Félix qui chante l'Alouette en colère. Il y a Vigneault qui chante devant Trudeau et Bourassa, Lettre à Ticu la chance. Il y a Charlebois qui chante la marche du président. C'était quand même assez culotté. Ouais. Ils sont venus donc en coulisses, comme le disait Guy Latraverse, rencontrer après Trudeau et Bourassa, rencontrer les artistes. Et puis Trudeau aurait dit à Charlebois, « Oh, contrairement à ce que vous chantez, vous n'êtes pas un chanteur ordinaire. » Et puis Charlebois, c'est vrai, qui dégaine assez rapidement avec beaucoup d'esprit et beaucoup d'humour, a dit, « Ben, vous non plus, vous n'êtes pas un premier ministre ordinaire, contrairement à lui. » Pointant Robert Bourassa, qui est juste à côté. Donc, ça a créé une commotion, ça a blessé profondément Bourassa, qui s'en souviendra très, très longtemps. Charlebois s'est réconcilié, ils se sont réconciliés peu de temps avant le décès de Bourassa, semble-t-il. Mais Trudeau a invité à déjeuner le lendemain matin nos trois artistes chanteurs au Château Frontenac. Mmh. Ils sont arrivés sur leur 31, un peu comme ça. Ils s'en allaient manger avec le premier ministre du Canada au Château Frontenac, quand même. Et pour Félix, malgré ses appétences politiques et ses appétences d'indépendance, avait le respect de, on va dire, l'autorité. La fonction. De la fonction, exactement. Ouais. C'est lui qui aurait le plus parlé, a-t-on dit, à ce petit déjeuner, Félix disant à Trudeau, bon, là, vous allez retourner à Ottawa, parler à vos gros Anglais, puis leur dire que le petit peuple québécois est bien tanné, puis que ça pourrait peut-être brasser. Ouais. Voilà. Donc, j'imagine la scène de Charlebois, Vigneault, Félix, assis avec Trudeau au petit déjeuner au Château Frontenac le lendemain du spectacle. Et c'est plus qu'anecdotique, ça nous dit ce qu'a aussi été ce spectacle-là. Merci Monique Giraud de nous avoir fait revivre ce spectacle de la scène jusqu'aux coulisses. Animatrice à Ici Musique, grande amoureuse bien sûr de la chanson française. Merci beaucoup Monique. Merci Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. En 2 juin, on pourrait faire quelque chose. En 2 juin, on pourrait se grouiller le cul.